Chapitre 5. Le théâtre. Ophélie relut pour la 20e fois la première phrase des contes d'objets et autres histoires animistes, sans parvenir à la comprendre. Les conversations et les rires ambiants ne l'aidaient pas. L'ascenseur qui descendait du 6e au 5e étage de la tour était comble. Écrasé entre les vertugadins des vieilles valkyries assises à côté d'elle sur une banquette, plus sévère et plus silencieuse que jamais, Ophélie feuilletait fébrilement le livre du grand-oncle. Devait-elle choisir ce conte-là, ou plutôt celui-ci? Elle était continuellement interrompue par des favorites qui venaient lui souhaiter bonne chance, avec une ironie mal dissimulée. Bérénilde dut recourir à des trésors de diplomatie et de flatterie pour les éloigner. « Perruque mal poudrée !» jura la tante Roseline. « Elles ne nous ont pas adressé la parole une seule fois depuis notre arrivée, et maintenant qu'on a besoin de calme, elles sont incapables de tenir leur langue. Et toi, arrête de tourner ces pages » dit-elle en tapant les doigts d'Ophélie. « Tu fais du surplace. Choisis un seul conte et lis-le plusieurs fois en entier. » Ophélie appliqua ce conseil à la lettre. Elle piocha une histoire au hasard. La poupée. La parcourut de bout en bout, sans en retenir une seule ligne, puis recommença. Elle ne décrocha pas les yeux de son livre quand la grille de l'ascenseur s'ouvrit sur le soleil éblouissant de la cour, ni quand elle fut entraînée par une foule de nobles à travers une galerie de la jetée promenade, ni quand le lacet de sa bottine se défit, menaçant plusieurs fois de la déséquilibrer, ni quand elle monta un escalier à tapis rouge et tringle d'or. Elle ne leva le nez de son livre que lorsqu'un majordome vint lui tousser dans l'oreille. « Pour mademoiselle la visconteuse, c'est par ici. » Ophélie battit des paupières aveuglées. Elle se trouvait dans le hall d'accueil du théâtre dont les dalles blanches, les colonnes blanches et les statues blanches réverbéraient la lumière des fenêtres, comme de la neige. Une flûte de champagne dans une main, un sablier bleu dans l'autre, toute la haute société de la Citatielle se trouvait là. Les femmes étaient vêtues de toilettes sophistiquées et parées de longs colliers de perles. Les hommes portaient des complets blancs, des nœuds papillons noirs et des canotiers à rubans bleus. Ophélie s'était rarement sentie aussi démodée dans sa petite robe violette qui la boutonnait jusqu'au menton, sa vieille écharpe mal tricotée et ses cheveux informes qu'elle avait oublié de coiffer. « Par ici, mademoiselle la visconteuse !» répéta patiemment le majordome en toussant contre son poing. Il lui désignait une porte dérobée derrière le comptoir d'accueil. Normalement, mademoiselle la visconteuse aurait dû passer par l'entrée des artistes, derrière le théâtre. « Monsieur Farouk est-il là ?»« Oui, le seigneur est déjà installé à sa place. Il est impatient d'écouter les histoires de mademoiselle. »« Désolé, madame, » ajouta le majordome quand la tante Roseline fit mine de suivre Ophélie derrière le comptoir. « Cet espace est interdit au public. »« De quoi ?» s'indigna la tante Roseline. « Mais voyons, c'est ma nièce !»« Pas au splendide, madame. Ici, mademoiselle est la vicomtesse du seigneur Farouk. L'accès à la scène est rigoureusement contrôlé pour des raisons de sécurité. »« Voyons, je ne porte pas d'explosifs sous ma robe. »« Ne vous inquiétez pas, ma tante. Tout ira bien. » promit Ophélie, qui n'en pensait pas un mot. Essayez de vous trouver une place près de la scène. Si je vous vois, ça me donnera du courage. Tiens, lui souffla la tante Roseline en lui glissant un peigne dans la main. Dès que tu as un instant, essaie de démêler tes cheveux. Un dernier conseil, madame ? Demanda Ophélie en se tournant vers Bérénilde. Pour la première fois, le sourire que lui destina la belle veuve ne ressemblait pas à l'une de ses expressions sur mesure, qu'elle se composait avec la dextérité d'une actrice. C'était un sourire un peu fragile, qui tremblait aux commissures. Un sourire de mère inquiète. « Soyez impressionnante !» Bérénilde posa sa main toute gantée de velours sur la joue d'Ophélie. « Je ne vous dis pas cela pour vous angoisser. Je vous le dis parce que vous en êtes capable. J'en ai été témoin plus d'une fois. » Ophélie ne se sentit pas impressionnante du tout quand elle se dirigea vers la porte dérobée d'un pas chancelant, et moins encore lorsque Cunégonde se dressa en travers de sa route, son grand ongle rouge pointé sur elle. « Eh bien, ma colombe, Est-ce là tout votre matériel ? Demanda-t-elle en désignant son livre. Sachez que mon offre tient toujours vos mains contre mes illusions. Acceptez, murmura-t-elle d'une voix roucoulante, et je vous fournirai dès ce soir des effets spéciaux aussi grandioses qu'ils suffiront à faire de vous la nouvelle conteuse en titre. Je ne suis pas intéressée, déclina Ophélie. Cunégonde secoua la tête d'un air navré, les pendeloques dorées de son voile tintinabulaires comme des grelots. Vous êtes une tête de mule. Elle se pencha sur Ophélie jusqu'à effleurer son oreille de ses lèvres. N'avez-vous donc pas entendu la rumeur ? Lui murmura-t-elle très bas. Votre cher Archibald aurait perdu l'un de ses invités dans des circonstances tout à fait obscures. Peut-être devriez-vous revoir vos amitiés. Ma colombe ! Estimant la conversation close, Ophélie se faufila par la porte dérobée et s'engouffra dans les coulisses du théâtre. Elle n'avait pas la moindre idée de ce à quoi Cunégonde faisait allusion et c'était pour le moment le cadet de ses soucis. Le cœur battant, morte de trac, elle se posa sur la première chaise qu'elle trouva. Elle s'aperçut après coup qu'elle était assise à côté d'un vieil homme qui passait méticuleusement un chiffon sur une petite plaque de verre peint. Il portait la marque des mirages sur les paupières. « Bonsoir, » lui chuchota-t-elle. « Je suis Ophélie. Vous êtes Monsieur Éric, le conteur en titre ?» Avec des gestes lents, le vieil homme pivota sur sa chaise de façon à se tourner vers Ophélie. Il était musculeux pour son âge. Sa chevelure et sa barbe, teintes en bleu, se mêlaient sur son torse en une seule et même tresse qui touchait presque le sol. Durant un bref instant, il haussa des yeux surpris par-dessus la tête d'Ophélie, peut-être déconcerté par sa masse de boucles mal coiffées, puis il fronça les sourcils, teints en bleu également. « J'espère que vous êtes très inspirée, mademoiselle la visconteuse, » dit-il en roulant ses airs comme s'il mâchait du roc, « parce qu'en ce qui me concerne, je vais faire en sorte que plus jamais nos deux noms ne soient associés sur un carton d'invitation. » Sur ces mots, il empoigna sa boîte à plaques d'une main et une lanterne magique de l'autre et s'en fut vers un autre recoin des coulisses. À présent, elle était seule, avec son écharpe agitée pour unique compagnie. Ophélie sentit ses genoux s'entrechoquer l'un contre l'autre. Elle n'était pas prête. Elle avait déjà oublié la moitié de son histoire de poupée, mais si elle la relisait une seule fois encore, elle se rendrait malade à coup sûr. Elle se rappela la souffrance qu'elle avait éprouvée quand Farouk s'était contenté de la regarder sur l'estrade du jeu de loi. Que se passait-il donc quand on décevait une créature pareille? En cas d'échec, Ophélie aurait-elle droit à une seconde chance ou son avenir entier se trouverait-il compromis? Elle passa le peigne de la tante Roseline dans ses épais cheveux, essayant de s'occuper les mains, mais elle cassa une dent dès le premier nœud. « Buvez ceci !» Ophélie loucha sur le verre qui venait de surgir devant son nez. De l'autre côté se tenait Archibald et son irréductible sourire. « Sans façon !» marmonna Ophélie en détournant aussitôt les yeux. Elle avait la gorge sèche, mais Bérénilde lui avait fait une si longue énumération des poisons qui circulaient à la cour qu'elle avait retenu l'essentiel. Il ne fallait jamais accepter le cadeau d'un inconnu. Et malgré tout ce temps passé à l'ambassade, Ophélie connaissait très mal Archibald. « Je vous promets que ce n'est que de l'eau, » dit-il d'une voix enjôleuse. « Regardez, j'en bois une gorgée. » Il joignit le geste à la parole d'un mouvement caricatural, puis tendit à nouveau le verre à Ophélie. Elle l'accepta cette fois, mais elle refusa toujours de regarder Archibald en face. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » demanda-t-elle sur la défensive. « Les coulisses sont interdites au public. » Archibald retourna à la chaise où le vieil Éric se trouvait un instant auparavant et s'y assit à l'envers, nonchalamment accoudé sur le dossier. Je ne suis pas ambassadeur pour des prunes. J'ai mes entrées presque partout, et puis j'estime que vous avez le droit d'être au courant. Au courant de quoi ? Archibald s'empara d'une glace appuyée contre un mur, la dépoussiéra d'un coup de manche et la brandit d'un geste théâtral. Ophélie n'avait pas traversé un seul miroir depuis qu'elle avait été consignée au gynécée, mais elle fut très tentée de se plonger dans celui qu'Archibald lui tendait et de ne plus jamais en ressortir. Sa tête était affublée de deux oreilles d'âne. Ophélie aurait voulu se les arracher, mais sa main passa au travers comme si elles étaient faites en fumée. Des illusions, évidemment. « Vous êtes une tête de mule », avait dit Cunégonde. Il n'y avait qu'un mirage pour appliquer une expression au pied de la lettre. Archibald observa Ophélie qui serrait maintenant son verre avec force. « Vous m'inspirez une certaine curiosité, fiancée de Thorne, et c'est assez nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude. » Il pencha sa chaise en avant et se tordit le cou pour croiser le regard d'Ophélie. Elle eut à peine le temps d'apercevoir, à la lueur de la bougie, son sourire perplexe, ses grands yeux couleur ciel et ses cheveux blonds en bataille, et qu'elle tourna la tête et cala sa main contre ses lunettes, à la façon d'une œillère. « C'est un effet de mon imagination, ou vous fuyez mon regard ?» s'esclaffa Archibald. « Je ne sais pas comment vous vous débrouillez pour charmer les femmes, mais je n'ai aucune envie de succomber à mon tour, surtout ce soir. » Depuis ce qui s'était passé au jardin de Loi, la tante Roseline rougissait violemment dès qu'Archibald était mentionné dans une conversation. Ophélie avait bien essayé d'en parler avec elle pour comprendre ce qu'il lui avait fait, mais elle se dérobait chaque fois en changeant de sujet. « Ce n'est pas très commode pour discuter, » observa posément Archibald. « Je n'ai pas envie de discuter. Vous êtes en train de me distraire. » Avec un réflexe d'acrobate, Archibald rattrapa au vol le verre qu'Ophélie venait de laisser échapper. « Exact. Je vous distrais de votre peur. Bon, soupira-t-il, s'il n'y a que cela pour vous mettre à l'aise. » Archibald posa le verre sur le guéridon voisin, agrippa les bords de son haut de forme et d'un coup sec, se l'enfonça jusqu'au nez. « Voilà. Vous n'avez plus rien à craindre de mon regard. » Il était si ridicule ainsi, avec sa voix nasillarde et ses touffes de cheveux qui poussaient à travers le fond décollé de son chapeau, qu'Ophélie se surprit à sourire. « Restez sérieux un instant, monsieur l'ambassadeur, pourquoi êtes-vous ici? Vous ne vouliez pas juste m'offrir un verre d'eau, n'est-ce pas ?» Archibald leva son menton entre ses bras, qu'il avait croisé sur le dossier de sa chaise. À cause du haut de forme enfoncé, Ophélie ne voyait plus de son profil que la fente immense d'un sourire. « Je vous l'ai dit, fiancée de Thorne, par curiosité. Dois-je vous rappeler que vous avez officiellement fait de moi votre amie ? Voilà un moment que je vous observe. Au début, ce n'était qu'un coup d'œil de temps en temps pour vérifier que vous n'étiez pas en danger de mort, mais j'y ai pris goût. Vos exercices de prononciation, vos petites maladresses, vos manières animistes, votre constance à toute épreuve, votre tante aussi. J'aime cette matière qui compose votre quotidien. La lecture de votre courrier tout à l'heure a bien failli me pincer le cœur. » Ophélie était ébahie, non pas à cause de ce qu'Archibald lui disait, mais à cause de sa propre étourderie, les Valkyries. Comment avait-elle pu perdre de vue que ses grands-mères étaient reliées à chaque membre de la toile, Archibald compris? Pendant tout ce temps, Ophélie avait parlé, mangé, dormi devant une foule de personnes. Elle pensa au nombre de fois où elle s'était pris de quoi lire en allant au cabinet, et ce juste sous le nez des vieilles dames. Pour la peine, elle oublia presque le brouhaha qui gagnait en ampleur derrière les rideaux de théâtre au fur et à mesure que les courtisans prenaient place dans la salle. « C'est très embarrassant. Pourquoi ?» s'étonna Archibald sous son chapeau. « Ça ne vous gêne pas, vous, de n'avoir aucune intimité, de partager avec l'ensemble de votre famille tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites ?» Se balançant sur sa chaise à l'aveuglette, Archibald haussa les épaules avec désinvolture. « Ça nous fait faire des économies sur les factures téléphoniques, Mais n'allez pas vous mettre en tête des idées fausses, fiancée de Thorne. Vous semblez croire qu'en ce moment même, toute la toile boit nos paroles. Les choses ne se passent pas exactement de cette façon. Comment vous expliquer ? Sous le haut de forme, la bouche d'Archibald se plissa en une moue pensive avant de déplier un nouveau sourire. « Je sais. Imaginez-vous, vous et votre famille, réunis dans une seule pièce. Chacun d'entre vous va qu'à ses propres occupations. L'ambiance est mélangée, confuse et bruyante en permanence. Vous voyez le tableau. Si vous vouliez savoir ce que fait votre sœur ou votre mère à cet instant précis, vous devriez donc vous tourner vers elle et tendre l'oreille. Il vous serait évidemment impossible de savoir ce que font tous les autres au même moment. Eh bien, c'est à peu près pareil pour nous. Mais, monsieur Farouk, murmura Ophélie, soudain frappée par une pensée, n'est-il pas censé concentrer en lui tous les pouvoirs de sa descendance, je veux dire? Et s'il écoutait chacune de vos conversations, s'il nous écoutait là, maintenant? Il a la puissance de concentration d'un noyau de cerise, rétorqua Archibald. Il n'est déjà pas capable de suivre une conversation normale. Non, vraiment. J'ai déjà fait plusieurs voyages sur d'autres arches et je n'ai jamais vu un esprit de famille aussi indigne de son propre pouvoir. C'était une maigre consolation pour Ophélie de savoir que, si cette soirée devait se finir en désastre, elle aurait au moins appris une chose ou deux. « J'ai reçu une lettre anonyme, » déclara-t-elle à brûle-pourpoint. « Quelle sorte de lettre ?»« La sorte dissuasive. Je pense que ça a un lien avec le livre de M. Farouk. »« Les menaces sont très à la mode par ici. Restez près des Valkyries. » Ophélie ne pouvait pas voir le regard d'Archibald à cause de son chapeau enfoncé, mais elle aurait juré qu'il s'était contracté sur sa chaise en dépit de son sourire. Elle se rappela soudain les mots que lui avait chuchoté Cunégonde. « C'est vrai, ce qu'on raconte, vous avez perdu un invité ?»« Je suis incapable de mentir, » dit Archibald. « Permettez-moi de ne pas répondre à cette question. » Les coups du brigadier résonnèrent dans l'atmosphère derrière les grands rideaux noirs, mettant un terme au bourdonnement du public. « Seigneurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est minuit !» proclama une voix enjouée. « Que la veillée commence !» À l'obscurité qui tomba comme une nuit brutale, Ophélie comprit que toutes les lampes du théâtre avaient été éteintes. Seule la bougie du guéridon permettait maintenant de distinguer le contour des échelles et des meubles dans les coulisses. Ophélie retint son souffle en entendant s'élever la voix du vieil Éric sur un fond d'accordéon. « Monseigneur, il vous sera conté ce soir comment un vagabond borgne a changé le destin de trois héros. » Il prononçait toujours ses R comme de la rocaille, mais son timbre était complètement différent de celui qu'il avait employé pour menacer Ophélie. Le vieil Éric déployait à présent une voix grave, ample, envoûtante, qui retenait l'attention dès les premiers mots. Une voix de véritable conteur. En l'écoutant, Ophélie aurait bien bu un deuxième verre d'eau pour éclaircir la sienne. Elle se leva de sa chaise, marcha sur la pointe des pieds et aperçut, dans l'entrebâillement des grands rideaux noirs, un petit pan de scène. Ce dont Ophélie fut témoin lui fit comprendre à quel point le vieil Éric avait raison. Associer leurs prestations dans un même spectacle, c'était une insulte à la profession. Une grande toile blanche avait été tendue sur l'avant-scène, dissimulant à sa vue une bonne partie du public. Le vieil Éric se tenait caché à l'arrière-scène, ses doigts dansant avec virtuosité sur les deux claviers d'un accordéon. Près de lui, le dispositif de la lanterne magique projetait sur la toile blanche, dans un faisceau de lumière, l'illusion animée de la plaque de verre. Un grand personnage encapé pénétrait dans une grotte où un nain était occupé à forger une épée. Contemplé des coulisses, l'illusion se déroulait à l'envers par rapport au public, et elle tournait en boucle au bout de quelques secondes, mais cela ne changeait rien à la beauté de la scène. Ophélie découvrait chaque fois de nouveaux détails au réalisme incroyable. Les étincelles produites par le marteau du nain forgeron, les reflets irisés sur les parois glacées de la grotte, le mouvement de cap du vagabond borgne. Il était difficile de croire que tout cela n'était qu'un spectacle en deux dimensions, sans relief ni profondeur. Ophélie essaya d'entreapercevoir le public de l'autre côté de l'écran en toile. Ce qu'elle distingua dans la pénombre la laissa profondément pensive. Aucun noble ne regardait la pantomime. Les spectateurs dérangés de derrière n'applaudissaient, ne s'exclamaient, ne riaient que si les spectateurs dérangés de devant applaudissaient, s'exclamaient et riaient. On aurait dit les ondulations produites par un caillou jeté dans l'eau. L'épicentre de cet étrange séisme étant évidemment Farouk, assis au premier rang. Ophélie le savait. Même si la toile l'empêchait de le voir, c'était exactement comme le soir de l'opéra du printemps. On bâillait si Farouk bâillait, on complimentait si Farouk complimentait. Ophélie demeura un long moment à regarder le vieil Éric changer ses plaques d'illusion sans jamais interrompre la musique de son accordéon ni le fil de son épopée héroïque peuplée de monstres et de géants où les morts côtoyaient les vivants dans une fantasmagorie macabre. Les différents épisodes du conte étaient plus horrifiques les uns que les autres. Il n'y était question que d'honneur à reconquérir, d'amours incestueuses et de meurtres sanglants. Ophélie se sentit un peu bête avec son histoire de poupée et ses oreilles d'âne. « Il est bon !» murmura-t-elle une fois qu'elle eut regagné sa chaise. « Il est très bon !»« C'est le conteur officiel de la cour !» dit Archibald en pouffant de rire. « Vous vous attendiez à quoi ?» Toujours assis à l'envers sur sa chaise, il avait gardé son haut de forme enfoncé jusqu'au nez, mais Ophélie ne le trouvait plus drôle du tout. Elle contempla la couverture des contes d'objets et autres histoires animistes, comme si un miracle pouvait encore en surgir. « Je n'ai jamais eu autant de trac de ma vie, » avoua-t-elle. « Je ne pourrais pas égaler Monsieur Éric. » En effet, » répondit Archibald avec sa franchise coutumière. « Laissez-moi seul, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. » Archibald se leva sans dévisser son haut de forme, puis il pencha sa moitié de tête vers Ophélie, sa bouche dévoilant une rangée de dents comme un sourire d'épouvantail. « Vous ne pouvez pas l'égaler, » insista-t-il dans un chuchotis. « À vous de vous différencier. » Ophélie regarda Archibald s'éloigner à tâtons, les bras tendus tel un étrange chapeau qui aurait été pourvu d'un corps.